J'rap, j'pas un rapper de chez A. J'fais pas ça pour une VA, j'fais ça parce que j'aime ça, c'est fini là. J'rap les lettres de l'ordre BC, j'vois le SC, on va pas s'engraisser. C'est bien le Canada, le Québec, check mon écrit et devait compris l'accent québécois de l'underground, ok. J'ai un spécimen rare pour SPCA, le monde court après moi, comme la CIA, comme en Afrique, le VIH, j'cours partout comme une bête. Check le PS, la blacklist, j'lance un SOS. Aussi pour les VS, qu'il faut juste avoir des MTS, en check un 3X sur bêta ou VHS. La vie aux fêtes de fête. Qui va se claquer, des trap de mess. VS, l'inceste, fais pas que toi un FF. 3 comme le LMDS, j'ai mes KO. Ready, GO, suis le côté ZO, passe à ses KOI. AM ou FM, en même temps que REM. Puis next track, MLM, tu vas l'acheter ta BM avec un gros RPM, avec ton CMM. En musique, sur ton IBM, from downtown, MDLBQ. Y'a plusieurs passions en ville, dont rap, pis le cul. En EQ, j'teste ton IQ, j'teste la SRQ. Sans la SQ, j'grimme chez tous mes VQ. SVB, laissez la place pour les VIP. J'suis pas pressé de me shooter du BCP. Ne suis pas pratiqué, mais j'tolère le THC. Et c'est tout que j'sais, y'a trop de WAC ou MIC. Check sur MIRC, tu vois qu'y'a trop d'MC. Y'a pas leur DSC, c'est pas comme MNYC ou PC. Check la TV, j'vois que c'est pas OK. DJ, Finis VG, annonce au BGC. J'te filme le bot inspecteur comme le FBI. Mais pas un fake dog qui porte des KNY. Et c'est tout ailleurs, y'a full de triple X. De concours de BMX ou des clips de DMX. Avec mon HP, j'crache sur le LSD ou sur le GH, j'ai pas besoin sur un CD.